Buenas noches, bienvenidos a la hora pésima número 52 en Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Ojalá tengamos todos una buena semana. El programa de hoy, un programa especial. Desde el programa número 50 me empecé a poner un poco más caprichoso, que siempre lo he sido, ¿no? Pero se me dio la visión de hacer algunos programas especiales por un rato sin ningún plan mayor, solo con el deseo de celebrar o alegorizar algunas cosas. La semana pasada tuvimos un programa dedicado a la música brasileña y el programa de hoy, que en realidad me costó bastante tomar decisiones, un programa dedicado a la música francesa y con un par de poemas franceses también. Quizá inspirado en el olor a guillotina que hay en el aire, en esa sensación que hay así como de que por primera vez así en la historia del país, en una aparente calma, hay un olor así sanguinario a que queremos guillotinar a nuestros líderes políticos, a los opresores y represores en general. Entonces, como mi sentido y humilde homenaje al instrumento justiciero que permite que la libertad se pueda hinchar sus pulmones, un pequeño homenaje a la guillotina, con esta selección de música francesa y de poesía francesa, que va a partir con un poema de Charles Baudelaire que se llama La Destrucción. Voy a cometer la patudez de leerlo en francés, y luego voy a leer la traducción. Se pueden reír desde este instante. La Destrucción, Charles Baudelaire. Son ses à mes côtés s'agite le démon. Il nage autour de moi comme un air impalpable. Je l'avale et le sang qui brûle mon poumon et l'on plus d'un désir éternel et coupable. Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'art, la forme de la plus séduisante de femme, et sous des spécieux prétextes de cafard. Accoutume ma lèvre à de filtres infâmes. Elle me conduit ainsi, loin du regard de Dieu, à l'étang hérissé de fatigue au milieu, de plein de longues nuits profondes et désertes. J'ai dans mes yeux plein de confusion, de vêtements souillés, de blessures ouvertes et l'appareil sanglant de la destruction. La destrucción, Charles Baudelaire. El demonio se agita a mi lado sin cesar. Flota a mi alrededor cual aire impalpable. Lo respiro, siento como quema mi pulmón y lo llena de un deseo eterno y culpable. A veces toma, conocedor de mi amor al arte, la forma de la más seductora mujer, y bajo especiales pretextos hipócritas, acostumbra mi gusto a nefandos placeres. Así me conduce, lejos de la mirada de Dios, jadeante y destrozado de fatiga, al centro de las llanuras del hastío, profundas y desiertas. Y lanza mis ojos, llenos de confusión, sucias vestiduras, heridas abiertas y el aderezo sangriento de la destrucción. Charles Baudelaire, en la hora pésima, una hora para estropear y componer almas. Nos vamos con el primer bloque entonces. Algunas de estas canciones han pasado ya por la hora pésima y otras van a sonar por primera vez. Es una selección que contiene desde música muy contemporánea a algunos caprichos personales, a algunas canciones antiguas de los 50, 40. Hay de todo hoy día en esta selección de música francesa de la hora pésima. Partimos con Holden. Sé que yo soy una banda que estuvo acá, estaba en varias oportunidades en Concepción. La primera vez la trajimos el año 97 en una sesión súper bonita con Pánico. Está Noir Désir, está La Femme, está Negresse Verte, Java, Stromae, que es una de las propuestas más nuevas del pop francés. Entonces nos vamos con Holden, Ce que je suis, lo que soy. Thank you. Génétique. parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte. Infinité de destin, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières. Thank you. silence. Sur le sable, des lits de fer sont plantés là, face à la mer. Oh mon ami, la mort t'a emmené en son bateau pour l'éternité. Si on allait au cimetière voir mon nom gravé sur la pierre, saluer les morts face à la mer, libre de vie dans la lumière, dans la chaleur, le silence. À l'heure où les cyprès se balancent, les morts reposent au cimetière. Sous le sable, face à la mer. Un jour pas comme les autres commence par une chose extraordinaire. Je me suis réveillé la tête dans le cul, ça m'était pas arrivé depuis hier. Rien à faire, qu'est-ce que je fais là? Un jour de plus d'ennui, mon foie me pardonne plus. Je crois que c'était un samedi. Je suis rentré dans une église, j'ai appelé Dieu comme Don Camillo. J'avais vu le film mais rien à faire, il sortait rien de là-haut. Je me suis dit un tel mégalo, y'a qu'une solution pour le sortir de la perfection. Alors je l'ai traité tous les noms. Gros con, enculé, descend si t'es un homme. Je la prends dans le bain-marie, je lui parle toutes les langues de Babel et je te maudis. La terre a tremblé, bruit de tonnerre. Dominant qu'il avait pas mis les pieds sur terre, il a tapé une crise de nerfs. J'ai tapé le flip devant le barracuda. Il avait moins le physique de Jésus-Christ que celui de Bouddha. J'ai joué les martyrs, il m'a pardonné. Il a fait une croix sur l'embrouille. On a bu un demi, accompagné de quelques olives. Je lui ai dit c'est quoi l'art de vivre? Le monde moderne m'emmerde, j'ai pas l'esprit d'initiative. Mais qu'est-ce que je fais là? Enfin des fous fêlés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. J'ai des Roland buffet froid. Y'en a qui rêvent de soir et Ferrero de Ferrari. Moi je voudrais finir comme dans la grande bouffe de Margot Ferrari. Qu'est-ce que je fais là? Enfin des fous fêlés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. J'ai des Roland buffet froid. Y'en a qui rêvent de soir et Ferrero de Ferrari. Moi je voudrais finir comme dans la grande bouffe de Margot Ferrari. Il voulait voir le désastre, je l'ai emmené à Pigalle. Surpris et naïf, il a été choqué, mais dans ses yeux s'est allumé une lueur de vice. Il m'a dit: je veux voir des gens trans qui prient pour ma face. Une église? Non, quelque chose de plus classe. C'est taxi. palace. Dans la toupa, on était frac. Que t'as tes techs qui te pètent les rônes. Un max de branchés, tu mâches, te mates. Pas trop mon truc, je fonce arrache. Ouais, je me lâche. Tu veux du Toshi? Amène l'icône. Et il a pris un exhausti. Il a fait la danse de Saint-Guy. On s'est fini en after à l'enfer. Il a croqué le fruit. Défendu, il est parti. S'envoyer en l'air à l'hôtel avec une bombe sexy. Qu'avait le diable au corps, pêché les plaisirs de la vie. Et puis, à 11h du matin, j'ai repêché. Gisant tout en sueur. Avec une bonne crise de foi et la PGR baptisant par terre. Son souffle divin avait des Roland d'outre-tombe. Il m'a dit: ouais, la lumière, je sens. Mais qu'est-ce que je fais là, avalé, croque en fruit défendu. Tous les foires ou me fascine, il faut que je me casse avant d'être foutu. On est quel jour? Dimanche. Le septième, faut que change le système. Et Dieu créa la flemme. Mais qu'est-ce que je fais là, avalé, croque en fruit défendu. Tous les foires ou me fascine, il faut que je me casse avant d'être foutu. On est quel jour? Dimanche. Le septième, faut que change le système. Et Dieu créa la flemme. C'était devenu un frère, un compagnon de galère. Pour moi, il a fait un pack avec Saint-Pierre. J'ai le droit d'emmener un pack avant ma mise en bière. Et puis, il a voulu rentrer chez lui. On a pris le premier ER de 5h30, l'omnibus pour paradis. On a fait un arrêt à l'épicerie. On arrive à la gare, c'était la grève. Il voulait rentrer dans l'au-delà, mais on était dedans jusqu'au cou, cherchant du rêve. On est resté sur le banc, à regarder les hommes brasser du vent. Si vous cherchez une fin à la chanson, bah... on a pas vraiment, hein. On a juste fini par se demander: mais qu'est-ce qu'on fait là? Enfin les fous fainés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. J'ai des Roland, du fait froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero, de Ferrari. Moi je voudrais finir comme dans la grande bouffe de Marco Ferreri. Mais qu'est-ce que je fais là? Enfin les fous fainés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. J'ai des Roland, du fait froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero, de Ferrari. Mais tu peux pas, t'es un fils. Qu'est-ce que je fais là? Enfin les fous fainés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. J'ai des Roland, du fait froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero, de Ferrari. Moi je voudrais finir comme dans la grande bouffe de Marco Ferreri. Qu'est-ce que je fais là? Enfin les fous fainés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. J'ai des Roland, du fait froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero, de Ferrari. Moi je voudrais finir. Mais tu peux pas, t'es un fils. Qu'est-ce que je fais là? Enfin les fous fainés, un feignant. J'ai flow, décontracté du gland. J'ai des Roland, du fait froid. Y'en a qui rêvent de soirée Ferrero, de Ferrari. Ouais, je voudrais finir comme dans la grande bouffe de Marco Ferreri. Qu'est-ce que je fais là? Vous les hommes et tous les mêmes. Macho Mechu, monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Escuchábamos de Stromae, Tú le même, en la hora pésima número 52 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Y como siempre en el segundo bloque, antes de entrar al segundo bloque, la programación semanal de Radio Leufu, todos los lunes 21 horas, la hora del gnomo, conducida por Mauricio Melo, los martes 21 horas, la hora pésima, miércoles a las 12 horas, Cultura Remix, programa de entrevistas y panoramas de cultura con Susana Chau. Los miércoles a las 21:30 horas, los conciertos del Gnomo, conducidos por Mauricio Melo, que en esta semana tienen a Sigma, No es lo que parece, y al cantautor Charlie Benavente junto a su banda, amenizado por el DJ Guille Pagano. Después tenemos el día jueves a las 20 horas, el programa de cine Notas en 35 milímetros, conducido por Marco Valenzuela, y a las 21 horas el programa de jazz, Bueno Jazz, conducido por Ignacio González, acompañado del DJ Jorge Durdos. Los viernes a las 21 horas, Humo Negro, programa de música afro, conducido por Edgar Navarrete, Mista Coco. Y el sábado a las 21 horas, Misterio Gozoso, Fiesta y Rebelión, con la Cote Mendoza. Entonces, el programa de esta semana de Casa de Salud, desde el día miércoles, bueno, ya les conté lo de conciertos del Gnomo, Sigma, No es lo que parece, y Charlie Benavente. Y en las sesiones de La Fama nos visita uno de los veteranos del house chileno, Luis Norambuena. Hace tiempo no lo tenemos en Concepción a Luis. Esto desde las 21 horas. El jueves, en Unidad de Geriatría, tenemos un programa doble de la compañía chileno-francesa La Obra. Viene a estrenar su nuevo trabajo. Y después, por primera vez después de años en Concepción, La Big Rabia, agrupación de dos penquistas connotados, Olvigue y Masivo en los controles. En el Salón de la Fama, desde Valparaíso, Joaquín Lledó, Negro Pésimo. Viernes 27, en la Unidad de Geriatría, tenemos a Cristian Cuturrufo y a Jay-Z Blues, que está reemplazando a Cristian Galvez, que tuvo que quedarse en Europa y estaba anunciado. Marlon Romero, este es un after show del Festival de Jazz, el Festival Anual de Jazz que organiza la Academia Marlon Romero. En los controles, en las tornamesas del DJ Jorge Durdos. El Salón Principal, y haciendo un poco sentido con este programa especial de música francesa, tenemos una actividad, tenemos el concierto de la banda francesa Arivaux. Es una banda de fusión, bastante muy bonito el trabajo de ellos, muy interesante, son maestros de la música acústica. Es un programa que está producido, coproducido por la Alianza Francesa con Casa de Salud. También invitarlos de paso, ese mismo día viernes a las 17 horas, la banda Arivaux va a hacer una masterclass en el Salón de Geriatría, que tiene costo gratuito. Solo tienen que inscribirse, comunicarse a través del inbox de Casa de Salud o al mío personal para formar parte de esta masterclass, que va a ser en diversos instrumentos y sobre técnicas de composición y varias cosas. Muy interesante el trabajo de ellos, vienen con un traductor, así que no es problema no saber francés. Los DJs Súbale y Pagano, entonces, el Salón Principal, acompañando a Arivaux. En el Salón de la Fama, los clásicos jauseros de todos los viernes con Pedro Campos y Negro Pésimo. El sábado 28 tenemos por segunda semana la temporada de Teatro de la Concepción con la obra Poder de Papel, que estuvo increíble el sábado pasado. La recomiendo altamente, mucho tiempo que no me reía tanto. Una obra muy inteligente, muy graciosa, muy contingente, y que les va a gustar a todos. Son talentosísimos ellos. Un saludo muy grande a la Compañía de Teatro de la Concepción. En el Salón Principal tenemos un show muy, muy especial, el cuarto aniversario de La Tromba, que vienen a celebrarlo con pito y flauta. En los controles estará DJ Pagano y el Yaye Baeza. Y en el Salón de la Fama tenemos, después de un año de ausencia, a Miguel Conejeros, también conocido como Fiat 600 o F600, mostrando un poco su tecno en live, en un live act, acompañado del DJ reciente Mark Opio. Ese es el programa de la semana, y lo que sigue de este, el segundo bloque, es un bloque de música más antigua, de música francesa, un poco de los 40, 50, 60. Tenemos a Ana Karina, versionando a Gainsbourg, Sous le soleil exactement, de Boris Vian, uno de los maestros del oscuro jazz francés, con la canción Je vois. Un clásico de clásicos con Jacques Brel, Ne me quitte pas, Georges Moustaki, Le Metec, ahora con Gainsbourg y su hermosa compañera Jane Birkin, La Décadence, y un cover de Nancy Sinatra, Bang Bang, interpretado por Mario Galanter, ya algo más nuevo, pero siguiendo la escuela de la chanson française. Nos vamos entonces con Ana Karina, Sous le soleil exactement. Thank you. systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue, l'amour vaut-il qu'on soit cocu, je pose ces deux questions. Auxquelles personne ne répond, et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs, pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que j'ai des loisirs, pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots aux insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent, avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins, avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Comme ça. Et danse. Là. aujourd'hui. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Tu me tuais et je tombais. Et ce bruit-là, je ne l'oublierai pas. Que l'amour avait remplacé notre amitié durable. je suis restée. Bang, bang. Et ce bruit-là, bang, bang. Je ne l'oublierai pas. Quand j'aperçois des enfants se poursuivre en s'amusant et faire semblant de se tuer, je me sens le cœur serré. Bang Bang de Nancy Sinatra en una versión de Mareva Galanter en la hora pésima número 52 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl, en un programa especial dedicado a la música francesa. Bueno, los saludos especiales de hoy, como siempre en el tercer bloque, en particular dedicarle el programa a mi socio y amigo Osvaldo Torres, que está de cumpleaños hoy, es uno de los artífices de Casa de Salud y es una de las personas que he conocido este último tiempo de mi vida y que más admiro por su capacidad de trabajo, por su amor, por lo que hacemos. Y así que un gran abrazo a Osvaldo, que tengas un lindo día. Sé que tuviste un día entero trabajando, ojalá que el resto de la noche por lo menos disfrutes con tu familia y tu gente. Un saludo muy cariñoso a mi amiga León, Elsa Sassou, que se llama igual que mi madre, mi amiga francesa que vive en Chile, es DJ, y que me dio dos de los temas para poner en la hora pésima de hoy, que no pienso ponerlo porque ninguno de los dos me gustó, y así que van a quedar para una hora óptima que podría ser en otro momento, en otro universo. Saludos, Elsa, León querida. A mi amigo Rodrigo Ramis, que está en París y que es un auditor fiel de los podcasts de La Hora Pésima. Así que en este va a encontrar mucho de lo que a él le gusta. Igual a mi amigo Michael Parra, que también está en París y que también sigue los podcasts y a veces está conectado. Un saludo especial a Paola Caro y a Nadiege de la Alianza Francesa, que con quienes hemos estado trabajando para este concierto que hay este viernes de la agrupación francesa Aribó, al cual voy a reiterar la información. A las 17 horas tenemos una masterclass en bajo, guitarra, batería y composición. Encanto igual, y la entrada es liberada, solo tienen que inscribirse a través del inbox de Casa de Salud o buscar información en la Alianza Francesa directamente. Y en la noche el concierto es a las 12:30 de la noche. Bien, saludar igual a algunos auditores fieles como Cotita Núñez, a la Cota Ramos que está de cumpleaños, a la Moni Paddy también, que está de cumpleaños hoy día, y a la Marisa que está ahí, que recién la vi conectada, a la Kena en en la herradura, en la cuarta región, que entusiastamente pone una foto detrás de cada post de la hora pésima. Así que para todos ellos muchos saludos, y el bloque que sigue, eso es un bloque que tiene a la Rue Quetanou, Mano Solo, Nuevas de Chía, París Combo, Sub Mama, Vive la Fête, La Rita Mitsuko, y cierra con los en la agrupación punk francesa Honeymoon Killers. Y nos vamos con un poema muy bello que voy a volver a atreverme así patudamente a leerlo en francés y luego en castellano. Es un poema de Michel Houellebecq, uno de los... No sabía de su poesía, la conocí hoy exactamente. Lo conozco por su narrativa y es uno de los narradores contemporáneos que me ha devuelto el cariño por la literatura, en verdad, por su inteligencia, por su impecabilidad técnica y por la profundidad de su proyecto como escritor. El poema que voy a leer se llama Es cierto, Il est vrai, Michel Houellebecq. Il est vrai que ce monde où nous respirons mal n'inspire plus en nous qu'un dégoût manifeste, un envie de s'enfuir sans demander son reste, et nous ne lisons plus le titre du journal. Nous voulons retourner dans l'ancienne demeure où nos pères ont vécu sous l'aile d'un archange. Nous voulons retrouver cette morale étrange qui sanctifiait la vie jusqu'à la dernière heure. Nous voulons quelque chose comme une fidélité, comme un enlacement de douce dépendance, quelque chose qui dépasse et contient l'existence. Nous ne pouvons plus vivre loin de l'éternité. Il est vrai, Michel Houellebecq. Es cierto que este mundo en que nos falta el aire solo impide en nosotros un asco manifiesto, un deseo de huir sin esperar ya nada, y no leemos más los títulos del diario. Queremos regresar a la antigua morada donde el ala de un ángel cubría a nuestros padres. Queremos recobrar esa moral extraña que hasta el postrer instante santifica la vida. Queremos algo como una fidelidad, como una imbricación de dulces dependencias, algo que sobrepase la vida y la contenga. No podemos vivir ya sin la eternidad. Es cierto. Michel Houellebecq, en la hora pésima número 52, me despido. Muy contento porque me vino a ver mi amiga Rosa de Australia, acaba de llegar y me pasó a ver, a saludar y está acompañándome aquí en el programa. Un saludo a Pedro, los controles, a Robin, la producción de Radio Leufo, y a la Caro, que después sigue con la programación, con la mejor música todo el maldito día en Radio Leufo. Así que nos vamos entonces con la Rue Quetanou, Le Mot, las palabras. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête pour les charlatans, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les copieurs, des mots pour mots pour les cafeteurs, des mots savants pour les emmerdeurs, des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers, et des mots jetés pour les pas bien beaux, des mots perdus pour les paumés, des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants, et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire pour les enfants, des mots tabous pour le taboulé. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher, et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot, un mot pour tous, tous pour un mot. Des des mots croisés pour les retraités et des petits mots pour les béguins, des mots tendres pour les ordonnés, des mots fléchés pour les indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides et le mot de la fin pour la chanson. Papier maïs pour réchauffer. papier velours et d'esthétique papier de musique. C'est du chagrin papier dessin avant longtemps. Laissez glisser papier glacé les sentiments papier collant. Ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent. Machine, papier, machine. Machine, machine, papier, machine. Faut pas se leurrer, papier doré. Faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche papier, tu mouches. Celui qui touche papier, tu mouches. Et moi, t'es fou. C'est pas brillant, papier d'argent. C'est pas brillant, papier c'est d'argent. C'est pas donné, papier monnaie. C'est pas donné, papier où monnaie. Où l'on en meurt, papier à fleurs. Où l'on en meurt, papier où à fleurs. On s'en fout. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent papier maïs vous réchauffer. Un peu d'amour, papier velours et d'esthétique, papier de musique, c'est du chagrin, papier de dessin. Les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche papier, tu mouches, et moitié fou. Je suis le parasite du téléphone. Je vous entends tous, mais personne ne me soupçonne. Il y en a qui dit très gros. Depuis longtemps, je ne sais pas où m'amène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Le mien se fait au sabot que je pose tous les matins. Au gré des embruns, ce monsieur fait ce qu'il peut. Madame sait pas si elle doit. Un enfant qui ferait mieux de grandir comme il le croit. Un cheminot sur des rails qui regarde passer les vaches. Une perle dans un sérail qui ne veut plus qu'on l'attache. Un antiquaire amoureux qui soudain se trouve trop vieux. Il y a déjà du mieux, on verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas, là-bas juste un peu plus bas. On verra, verra, on voit bien que ça ne va pas. Non, les pas qu'à danser, mais c'est pas compliqué. C'est pas comme ça qu'on va danser. Depuis longtemps, je ne sais pas où me mène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas. Faudrait lui laisser, on verra si ça vaut pas le coup d'œil là-bas, là-bas juste un peu plus bas. On verra, on verra, on verra. On voit bien que ça ne va pas, non, on n'est pas qu'à danser, mais c'est pas compliqué, c'est pas comme ça qu'on va danser. Je ne sais pas où me mène le vent. Voilà pourquoi je ne suis pas ce qui marche devant. C'est le chemin le plus beau qui en a tenté plus d'un. Ce fameux sentier battu qu'on a battu comme des chiens. Mais pour tous ces pas à pas, à quatre pattes dans les broussailles, qu'on fera des trouvailles. entrez. Allez, venez, entrez, entrez, entrez. Laissez-vous faire. Entrez, venez, avancez, avancez. Allez, allez, laissez-vous tenter. La belle affaire. Ça y est, c'est ok, vous êtes entrés. Vous y êtes, vous y êtes. Vous êtes entrés. Vous êtes entrés. Allons dans la continuité comme ça. Prenez l'escalier. Montez ces marches. C'est quelques marches. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est par là. Prenez l'escalier. Vous aviez rêvé de venir. Vous avez rêvé. Continuez sans traîner, sans vous arrêter si ça dérape. Là où l'ascenseur à côté de l'extincteur, tournez le dos, passez le long du tuyau. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est par là. Vous allez bientôt arriver au fond du couloir. Au fond du couloir, oui. C'est ça, c'est par là. Vous allez bientôt arriver. Vous allez bientôt parvenir. Vous allez bientôt parvenir. Vous allez bientôt parvenir. Vous allez bientôt parvenir. Au fond du couloir à droite, comme c'est indiqué. Surtout, surtout, surtout, pas de panique. Ne pas s'affoler.